Bonjour, Bonjour. j'aimerais que nous parlions d'un bon souvenir de loisir. Oui. Alors, plutôt les randonnées pédestres en moyenne montagne, dans le bassin nicien où je vis, où chaque fois que l'occasion se présente. Enfin, le bon souvenir, c'est la randonnée, les bons souvenirs, la randonnée en général. Après, il y a plusieurs bons souvenirs en fonction du lieu, de l'endroit, en fonction des personnes qui m'accompagnaient. D'accord. Oui. Donc cette activité de randonnée, globalement, c'est un bon souvenir. Et après, vous avez des souvenirs plus pointus pour plus particuliers. Est-ce que vous pourriez en choisir un? Oui, bien sûr. Alors, déjà, peut-être pour expliquer la randonnée, c'est quand même une échappée par rapport à ma vie de père de famille, d'employé aux archives municipales. C'est vrai que c'est une échappée et c'est quelque chose qui me manque si je ne peux, quand le temps est mauvais. Il y a 2 ou 3 étés, on a eu des week-ends qui étaient épouvantables. Et donc, c'est dangereux, sous la pluie, sous l'orage, de faire de la randonnée. C'est vraiment quelque chose qui me manque. Un bon souvenir, il y a quelques années, mon voisin de palier, qui est un randonneur avec lequel je fais parfois des randos, m'a proposé. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire la Tournette, c'est le plus haut sommet des bords du lac, qui se fait en journée. On part le matin, on arrive, on revient en fin d'après-midi. Le must, c'est d'arriver au sommet, à 2 300 mètres d'altitude, au moment du lever du soleil derrière le Mont Blanc. Alors, faut bien calculer. Faut être là quand le soleil se lève. Et puis, bien sûr, faut qu'il n'y ait pas de nuages. Et voilà, il y a 2 3 ans, fin juin, en 2012, 2013, enfin, j'ai des photos. Donc, c'est bien avec les photos numériques, on garde la date. Et j'ai vu le soleil se lever derrière la chaîne du Mont Blanc. Et il y a quelque chose, effectivement. Enfin, je suis un laïc. On se dit quand même, c'est fabuleux, c'est des choses qui se passent depuis la nuit des temps, et j'étais même pas là pour le voir. Il y a un côté un peu sacré dans ce côté de ce lever du soleil. Et c'est quelque chose que vous aviez déjà éprouvé dans la randonnée, cette spiritualité, ou Ah, avant ça, vous le viviez plutôt dans le sport ou plutôt dans oui, le oui, loisir oui, détente? tout à fait, tout à fait. C'est parce que j'ai été touché par le témoignage précédent. Oui, non, non, c'était. Enfin, il y a des moments peut-être, oui, où on pense que. Oui, mais non, non, c'est plus le sport. Et puis le fait de pouvoir profiter de quelque chose de naturel. Et d'en profiter librement, sans être obligé de payer, sans être obligé de dire, moi j'étais le premier, moi. Voilà, on y est, on n'en veut personne, il n'y a que les bouquetins qui sont autour de nous, et voilà, c'est vraiment une impression de liberté. On n'a de compte à rendre à personne. Et quand vous dites on, du coup, vous pratiquez plutôt seul, vous pratiquez plutôt avec des amis, et Oui. qu'est-ce que ça change pour vous l'un ou l'autre? Ah oui, alors jamais seul, pour des raisons de sécurité. On est très vulnérable, on peut glisser, il y a des accidents terribles qui sont arrivés. Quand le soir, on a le lendemain matin, quand on arrive, qu'il y a une voiture qui est toute seule sur le parking, ça sous-entend qu'il y a quelqu'un qui est blessé. Donc non, il ne faut jamais partir tout seul. Puis aucun intérêt. Même si quand on est deux, on se tait, parce que déjà pour gravir une montagne, il faut se taire, parce qu'autrement on perd son souffle, ou on perd son rythme, on va moins vite. Donc même si on se tait, c'est mieux d'être accompagné, ne serait-ce que pour profiter le casse-croûte au sommeil. Ça fait combien de temps que vous pratiquez la randonnée? Est-ce que c'est venu à un moment précis dans votre vie ou À est-ce que... l'adolescence, oui. C'est-à-dire que je suis né dans une région de moyenne montagne. Si j'étais né en Bretagne, je pratiquerais peut-être la Sans planche à doute. voile ou la pêche. Là, voilà, il y a des montagnes, donc je pratique la randonnée. C'est un sport où effectivement la liberté est très excitée, à condition de ne pas aller là où tout le monde va. J'étais à Aix-en-Provence pour le lundi de la Pentecôte, et à la Sainte-Victoire, c'est incontournable. Il y avait un monde fou, c'était une autoroute. Hein. Bon, j'ai eu du plaisir parce que c'est pas la première fois que je gravissais la Sainte-Victoire, mais il y a trop de monde. Voilà. Il faut La randonnée, c'est aussi retrouver un peu de zénitude dans notre monde bruyant. Et un bon souvenir aussi, il y a une trentaine d'années, c'était le Vercors. Partir dans le Vercors à deux, avec une amie, et c'était vraiment avec le sac à dos, en presque complète autonomie. Enfin, on se ravitaillait dans des petits villages, on dormait à la Belle Étoile, et c'était vraiment un excellent souvenir. On a envie de dire aux gens, mais voilà ce qu'il faut faire, faites-le. Puis en même temps, on se dit, mais non, si on dit aux gens de le faire, on sera plus nombreux dans les montagnes. Donc peut-être que c'est un plaisir un peu égoïste, la rando. Et ça ajoute peut-être un petit peu aussi de l'intérêt, c'est le côté un peu plaisir volé, en dehors du circuit, l'évasion non seulement dans le paysage, mais en plus l'évasion du mode de consommation peut-être. Peut-être que c'est à la fois un sport qui est physique. Est-ce que vous le pratiquez d'une manière vraiment sportive ? Ou est-ce que vous le pratiquez d'une manière plutôt dilettante pour se promener ? Oui. Il y a plusieurs façons de faire de la randonnée. Oui. Quand j'étais plus jeune, c'est vrai qu'à 20 ans, on gravit une montagne d'une certaine façon. Plus de 30 ans après, on a une autre façon d'aborder la montagne. Donc c'est peut-être moins sportif. Même s'il y a le plaisir de pouvoir... je ne dirais pas en baver, mais oui, faire un effort et faire un effort quand même. Voilà. On est parti avec des amis dans le massif des Écrins il y a 3-4 ans, une semaine. Et bien, c'était des bons. Donc, c'est vrai que j'en ai bavé. Il y a le plaisir après, le plaisir de la performance. Et puis, la fatigue est une bonne fatigue. Parfois, on piétine en ville, on est fatigué le soir, mais on n'arrive pas à trouver le sommeil. Tandis que là, ouais, c'est une bonne thérapie, je dirais, la rando. On a un bon sommeil après cette fatigue-là. Et quand vous partez en randonnée, comme ça, vous avez un équipement spécial. Il y a des choses un peu évidentes, mais est-ce que vous avez vous-même des incontournables, des choses dont vous vous passez volontairement ? Des choses dont je me passe, il faut prendre le minimum de choses. Donc le téléphone, c'est quand même bien, ne serait-ce que pour prévenir qu'il y a un danger. C'est tout ce qui me rapproche de la civilisation, je dirais. Après, ben oui, il y a la couverture de survie, il y a suffisamment d'eau, il y a la bouteille de vin rouge, ça c'est bien aussi. Ça ne se fait pas systématiquement, ça dépend les amis avec lesquels on est. Il y a l'appareil photo. En plus, on a des petits appareils photo. J'ai pas le téléphone. Moi, je préfère l'appareil photo pour faire mes photos. Garder des souvenirs d'un paysage. Parce que c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps. C'est éphémère. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un animal qui vient de passer. Il y a un lever de soleil. Ou un rayon de soleil qui est tamisé par les nuages. Ou il y a du vent. La nature, il faut pouvoir la regarder. Et même des paysages, il y a des randos que je fais depuis, je dirais pas les yeux fermés, mais je suis toujours émerveillé parce que les choses sont différentes à chaque fois. Parce que c'est pas le même jour, parce que je suis pas entouré de la même façon, parce que dans ma tête, c'est différent aussi. Est-ce que, pour terminer, vous pouvez évoquer un peu plus précisément ce souvenir, ce moment du lever de soleil sur la montagne ? Oui, alors mon voisin, qui est plus jeune que moi, il est né dans le 9-3. Il connaît ma région natale comme sa poche. Et, alors, pour arriver au sommet de la tournette, il y a le fauteuil. Donc on arrive au sommet et après il y a le fauteuil. Il y a une petite échelle métallique qui vous gravir. Et Eric me dit, ah, ça y est, on va avoir le soleil qui se lève. Effectivement, on avait un petit halo. Je ne sais pas si on a le temps de monter au sommet. Il dit non, on n'a pas le temps. Il faut rester là, ça va venir. Et j'ai eu juste le temps de prendre l'appareil photo. Ça va très vite. Hein. Et le soleil s'est levé. Et je me dis que si j'avais suivi mon instinct, je serais déjà le temps de monter sur le fauteuil. Et bien, j'aurais perdu toute cette poésie de ce lever de soleil. Parce qu'il faut le prendre dès le début. Quoi. Le soleil qui peu à peu se détache de la... du Mont Blanc. Enfin, en fin de compte, c'est pas le Mont Blanc, c'est le massif du Mont Blanc. Voilà. Comme quoi, faut jamais partir seul et on a toujours besoin des conseils des autres. Et vous, je vous remercie pour votre témoignage. Ok, merci. tous. Alors, ça défile toujours, j'ai pas dû. Ok. Voilà. Ça devrait pas reclignoter à la fin ? Elle est vraie, votre histoire ou vous avez... Non, bien sûr qu'elle est vraie. Ah, bah super, bravo, c'est bien. Je me suis dit, ouais, c'est super bien préparé. Non, c'est vrai. C'est génial. Bon. En plus, il y avait les hésitations à la Modiano, c'était vraiment... J'ai dit, putain, il est super. Et moi, je me suis dit, il va parler tout seul pendant 10 minutes. Comment je vais faire les coups. Bravo. Ça devrait pas s'éteindre normalement. Merci. Hop là.